Alors vous avez reconnu la voix chaude de notre ancien curé Alain Pouliot, qui nous fait la joie de participer et de célébrer cette Eucharistie avec nous ce soir. Il est, vous savez peut-être pas, mais il est vicaire épiscopal avec une mission très spéciale, c'est qu'il s'occupe des prêtres. C'est pas une mince affaire. Donc il a une belle job là à chaque jour pour essayer de coordonner toute notre mission à travers le diocèse. Merci Alain d'être avec nous ce soir. Alors nous débutons une nouvelle année. Et ce soir, je voudrais un peu initier une nouvelle série. Vous savez qu'on essaye de prêcher un petit peu sur des thématiques les dimanches après dimanche. Et ce soir, on est en début d'année, on a pris des bonnes résolutions ou des nouveaux engagements. Eh bien, la parole de Dieu qu'on va entendre dans les prochains dimanches, elle va nous inviter justement à rechoisir au milieu de ces engagements notre engagement paroissial et notre engagement chrétien. Alors, c'est pourquoi cette série va s'intituler « Devenir diacre ». Et c'est quelque chose qu'on a expérimenté tout au long de cette journée. C'est la fraternité. Nous sentons que cette journée, elle nous a permis de goûter qu'il est bon d'être ensemble, qu'il est bon de nous retrouver aussi pour jouer à la pétanque, pour jouer au volleyball, pour partager un repas, pour jouer avec les enfants dans les jeux gonflables. Il est bon de vivre cette simplicité de vie, ces liens simples qu'on partage les uns avec les autres. Puis souvent, on sent que dans le monde de tous les jours, on néglige ça. On néglige cette fraternité. Et c'est si important. Et on veut conclure cette journée par la messe parce que c'est le lieu où on est comme restauré dans cette capacité ou ce goût de la fraternité. Alors dans fraternité, il y a un mot, un principe sur lequel en fait se base notre être. Dans fraternité, il y a le mot frère. Et puis, si on y réfléchit un peu, toutes les sociétés occidentales s'appuient sur la fraternité. C'est censé être un principe intangible, c'est un principe qu'on ne touche pas, c'est un principe qui fonde nos cultures occidentales. Alors, si on parle bien volontiers de frère ou de fraternité, en tout cas de fraternité, on a parfois du mal à parler de frère lorsqu'on parle d'un autre citoyen d'un même État. Je pense que vous avez jamais essayé de vous adresser à votre voisin en lui disant « Bonjour mon frère, comment ça va un matin ?» Rarement on parle à notre voisin comme ça. Le voisin pourrait bien se dire « Tiens, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui mon voisin ? Qu'est-ce qu'il lui prend ?» On parle plutôt de frère dans des relations familiales. Son frère, ceux qui ont le même père, ou par extension, on le voit dans les sociétés plus orientales, qui ont une même racine familiale. Pourtant, même sans lien de parenté, Jésus, il nous demande et il demande à ses disciples d'être des frères les uns pour les autres. Et c'est un aspect de l'évangile que nous venons d'entendre, par le commandement de la correction fraternelle. Jésus nous donne, en fait, à travers cette correction fraternelle, toute l'extension, en fait, la dimension, la richesse de la dimension de la notion de frère. Alors, qu'est-ce qu'être frère? Je voudrais simplement relever trois points. Pour être donc disciple de Jésus, on est appelé à entrer dans une famille, à recevoir donc des frères. La première étape pour le disciple, c'est de recevoir des frères. Et le chrétien, c'est celui qui reçoit des frères, qui, comme lui, vivent autrement. Ils ont un art de vivre spécial qui est différent de ce que l'on vit dans le monde. Il y a un art spécial. Ce qui fait qu'on entre dans une famille qui a ce même art de vivre. Cette communauté, ce n'est donc pas avant tout une structure, une hiérarchie, c'est une famille. C'est une famille dans laquelle donc des relations entre frères et sœurs vont s'établir. Et ces relations s'établissent entre frères et sœurs parce qu'on reconnaît qu'on a un même Père. On reconnaît qu'on a un même Créateur qui est la source de tout ce que nous sommes. Donc le disciple de Jésus entre dans une famille parce qu'il se reconnaît, comme tous les membres de cette famille, sauvé par l'amour de Jésus. Et ça, c'est l'Église. Le disciple est donc celui qui entre dans une famille qu'on appelle l'Église. Ça, c'est la première étape. Un deuxième aspect, c'est que les liens qui habitent et qui régissent la vie d'une famille, ben c'est ceux de l'amour mutuel. On vit tout ça dans notre famille. Dans notre famille, il y a de l'amour. Il y a de l'amour les uns pour les autres. Du père pour son épouse, et puis ça rejaillit sur les enfants, puis ça rejaillit les enfants entre frères et sœurs. C'est ce que saint Paul nous a dit dans la deuxième lecture. « Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. » Alors, c'est donc que la seule relation qu'on doit avoir dans une famille, c'est une relation de gratuité. Je m'adresse aux enfants, je ne sais pas si les enfants, en tout cas je pense aux petits-enfants, ouais, je ne sais pas si les petits-enfants, ils doivent payer un loyer à la maison par exemple. Ben non. Hein. Puis quand papa il vous emmène à la piscine ou au club de gym, au gym, il ne vous demande pas non plus de payer la facture qu'il a faite avec le plein d'essence. Non, hein. Bon, ben c'est exactement ça. C'est la dimension de la famille qui est de l'amour. Ça ne viendrait pas à la tête d'un père de faire payer son fiston parce qu'il l'a emmené, hein ? Je ne pense pas quand même. Bon. Ben, c'est bien ça qui nous montre ce qu'est une vraie famille. C'est la gratuité. Et parce que nous sommes, parce que en fait nos parents, les premiers, nous ont aimés, parce que nous nous sentons aimés dans une famille, alors on est en dette d'amour envers eux. On a passé notre vie à grandir et à donner de l'amour parce que nous avons été en dette d'amour de nos parents qui se sont occupés de nous depuis qu'on était tout petit, qui nous ont tout donné. Et c'est pour ça que l'amour dans une famille est si important pour une famille et fonde l'amour fraternel dans toute la société, parce que ce que l'on vit dans la famille, cette dette d'amour mutuel va rejaillir à tous les niveaux de la société et établir des vraies relations fraternelles. Donc ça, c'est le deuxième point. Oui, un, nous entrons dans une famille, et deux, le principe d'être de la famille, c'est l'amour mutuel. Et parce qu'il y a cet amour, il y a une troisième petite règle que nous donne Jésus. Jésus nous a parlé aussi de l'autorité. Oui, il y a l'amour mutuel dans une famille, mais il y a aussi un peu d'autorité. Est-ce que ça arrive, les enfants, que de temps en temps, papa ou maman vous disent d'arrêter de vous chicaner avec votre frère ou votre sœur? Ça arrive, ça, des fois? Bon, je suis rassuré. Je suis rassuré, alors. Ben oui, ça arrive. Pourquoi il le fait? Pour nous embêter? Non, c'est pas pour nous embêter. Il le fait parce que il y a une question de justice. Il y a une question d'amour qui doit grandir entre le frère et la sœur, ou entre les deux petits frères. Et il le fait pour que l'amour entre nous grandisse. Alors, il nous corrige. Eh bien, ça, c'est une vraie relation fraternelle. C'est une relation qui n'est pas indifférente, où on dit, bah écoute, si papa disait, bah fais ce que tu veux, c'est ta vie, bah là, tu continuerais à taper ta sœur pour lui prendre son jouet. On voit bien que si on fonctionne comme ça, on finit tous par se taper les uns sur les autres. Et ça, c'est l'ambiance un peu relativiste dans laquelle on vit. Si c'est bon pour toi, vas-y, fais-le. Puis on dit plus rien. Mais c'est pas une relation de type fraternel. Le vrai frère, il a souci de son autre frère. Et donc ce qui est mal pour son frère, ça redevient mal pour lui-même. Et ça redevient mal pour toute la famille. Si un frère s'exclut, c'est une souffrance pour toute la famille. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à rappeler à l'ordre, dans le sens à montrer que ce frère est important et qu'il faut qu'il reste uni. Il faut qu'il reste en communion avec les autres. Il y a une souffrance à perdre un frère. Et Jésus utilise le mot « gagne ton frère ». Il faut le gagner, il ne faut pas le perdre. C'est tellement important. Alors je conclue là-dessus. Oui, nous voulons devenir disciples de Jésus. Nous voulons entrer dans une famille qu'est l'Église et mieux y rentrer en établissant des relations fraternelles. Oui, nous voulons recevoir les frères pour qu'ils nous donnent cet amour mutuel. Et oui aussi, nous voulons accepter d'être corrigé ou nous-mêmes, parfois, avec humilité, d'essayer de rappeler, de gagner à un frère qui se coupe de la famille. Alors, demandons cette grâce ce soir, à l'issue de cette belle journée qu'on a partagée comme une grande famille, cette grâce de l'Esprit-Saint de pouvoir être renouvelé dans les liens fraternels qui nous unissent. Et je crois que c'est le plus grand service que la société chrétienne, qu'une paroisse, que le monde chrétien peut donner au monde entier dans lequel nous vivons. Ce que nous vivons ici comme paroisse, c'est de retisser du lien dans des quartiers où on s'isole, parce qu'on n'apprend plus à se connaître, parce que le mode de vie est devenu compliqué. Mais c'est là-dessus qu'on nous attend. Donc oui, notre foi, elle a une dimension sociale tellement importante. Alors demandons à l'Esprit-Saint de nous donner le feu ce soir, pour oser nous intéresser à nos frères voisins, même si on n'ose pas les appeler frères, mais qu'on les porte comme des frères dans notre cœur en tout cas. Voilà, nous nous levons pour proclamer ensemble ce qui nous unit, ce qui nous met en communion, notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ouvrons encore plus grand notre cœur en présentant notre monde au cœur de Dieu. Que la paix règne dans le monde, spécialement dans les pays déchirés par la violence et par la guerre. Prions le Seigneur. Pour nos élus et pour ceux qui ont la charge de bâtir une société où règne la justice et la paix, prions le Seigneur. Qui ont du mal à communiquer et pour les parents qui ne savent plus comment annoncer l'Évangile à leurs enfants, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que l'Église devienne chaque jour davantage une communauté de frères et de sœurs qui s'aiment au point de refuser l'indifférence, prions le Seigneur.